إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue la lecture du livre Les leçons importantes pour toute la communauté de l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui à la 8e leçon dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé les obligations de la prière. Donc tout d'abord, il faut savoir que les obligations désignent ce qu'il t'est commandé d'accomplir dans la prière, mais dont l'obligation est moindre que celle des piliers. C'est-à-dire que si tu oublies une des obligations de la prière, alors cet oubli peut être compensé par les deux prosternations de distraction que tu accompliras à la fin de ta prière. Contrairement aux piliers, qui, comme on l'a dit hier, ne peut être compensé par ces prosternations. Toutefois, les obligations, tout comme les piliers, ne peuvent être délaissées volontairement. Car si on les délaisse volontairement, alors la prière devient invalide par cela. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, les obligations de la prière sont au nombre de 8. Premièrement, l'ensemble des takbirs, sauf celui de sacralisation. On a vu dans le cours d'hier que le premier takbir, que l'on appelle takbir de sacralisation, takbir at al-ihram, est celui par lequel on entre en prière. Et celui-ci est un pilier. Tandis que les autres takbirs, comme celui que tu vas faire au moment de t'incliner, au moment de te prosterner ou de te relever de la prosternation, alors ceux-ci, ce sont des obligations. Et ils sont appelés takbirat al-intiqal, les takbirs de transition, c'est-à-dire ceux que tu prononces pour passer d'un pilier à un autre, d'une position à une autre, lors de ta prière. Et la preuve au sujet de ces takbirat, c'est ce que nous rapporte Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononcer le takbir à chaque fois qu'il se baissait ou se redressait ou se levait ou s'asseyait, c'est-à-dire lors de sa prière. Et ce hadith est rapporté par les imams Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidhi, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours prononcé ses takbirs dans l'ensemble de ses prières. Et ceci nous prouve que ceci est une obligation. Et parmi les points importants à souligner ici, il y a le fait que la base, pour celui qui prie, est qu'il prononce ses takbirs à voix basse. Il en est de même pour le takbir de sacralisation. Tu ne dois pas les prononcer à voix haute. La seule personne pour qui il est légiféré de les prononcer à voix haute, c'est l'imam. Et l'objectif en cela est qu'il se fasse entendre par ceux qui prient derrière lui. Quant à ceux qui prient derrière l'imam, ou celui qui prie seul, alors il n'est pas légiféré pour eux d'élever la voix pour prononcer le takbir. D'autant plus lors de la prière en commun, car ceci peut perturber les prières qui sont à tes côtés. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, deuxièmement, dire « Sami'a Allahu liman hamida ». Allah entend celui qui le loue, pour l'imam et celui qui prie seul. Donc cette formule, elle est prononcée à quel moment? Elle est prononcée lorsque tu te redresses de l'inclination. Tu prononces cette formule qui est légiférée, « Sami'a Allahu liman hamida », qui signifie « Allah entend celui qui le loue ». C'est-à-dire « Allah entend », « Allah exauce », « Allah répond à celui qui le loue ». Et ceci nous est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Sami'a Allahu liman hamida » lorsqu'il relevait son dos de l'inclination. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Toutefois, on voit ici que le shaykh nous a donné une précision et a dit « pour l'imam et celui qui prie seul ». C'est-à-dire que ceci est une obligation pour l'imam et c'est une obligation pour celui qui prie seul. Il a donc exclu une catégorie de personnes. Qui est-elle? Ceux qui prient derrière l'imam. On comprend donc de sa parole que celui qui prie derrière l'imam, il n'est pas obligatoire pour lui de dire « Sami'a Allahu liman hamida ». Et la preuve à ce sujet, le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, alors dites Rabbana wa lakal hamd. Les gens de science ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici ordonné à celui qui prie derrière l'imam de dire Rabbana wa lakal hamd et non pas Sami Allahu liman hamida. Cela signifie donc que cette parole n'est pas une obligation pour celui qui prie derrière l'imam. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Toutefois, c'est une question qui est sujette à divergence et certains savants ont mentionné qu'il est légiféré aussi pour celui qui prie derrière l'imam de dire Sami Allahu liman hamida. Et vous pouvez trouver plus de détails au sujet de cette question dans le livre de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala intitulé La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit troisièmement dire Rabbana wa lakal hamd. Notre Seigneur, à toi les louanges pour tous. Donc cette parole, elle est prononcée une fois que tu es redressé de l'inclination. Tu te redresses de l'inclination en disant Sami Allahu liman hamida. Une fois debout, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que ceci est légiféré pour tous, c'est-à-dire sans distinction entre l'imam, celui qui prie derrière lui ou celui qui prie seul. Tous prononcent cette parole qui est de dire Rabbana wa lakal hamd. Et les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, alors dites Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Et celui qui prononce cette parole en même temps que les anges la prononcent, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. On voit à travers ce hadith le mérite de cette parole, qui est de dire Allahumma Rabbana wa lakal hamd une fois que tu es redressé de l'inclination, et que celle-ci peut être une cause pour te voir pardonner tes péchés passés. Et ceci fait partie des nombreuses opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées à ses serviteurs afin d'obtenir le pardon de leurs péchés. À noter ici que cette formule peut être prononcée de différentes manières. Il est permis de dire, comme on l'a vu, Rabbana wa lakal hamd. Mais il est aussi permis de dire la même phrase sans le waw. Rabbana wa lakal hamd ou Rabbana lakal hamd. Et il est également légiféré de prononcer ces deux paroles en ajoutant devant celle-ci Allahumma, en disant Allahumma Rabbana wa lakal hamd ou alors Allahumma Rabbana lakal hamd. Et ces quatre manières sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna est d'altérer entre ces différentes manières de prononcer cette formule. Et il y a un grand bien en cela. Premièrement, cela te permet de suivre en cela la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit prier comme vous m'avez vu prier. Donc de la même manière que lui prononçait ces différentes formules, tu vas aussi prononcer ces différentes formules dans ta prière. Deuxièmement, en mettant en pratique cette sunna, cela est une cause pour la préserver, afin qu'elle ne soit pas oubliée, afin qu'elle ne soit pas délaissée. Troisièmement, en prononçant ces formules de manière aléatoire, ceci te permettra de ne pas oublier cette science. Car comme on ne cesse de le répéter dans différents cours, l'objectif de la science, ce n'est pas seulement d'emmagasiner des données. Mais l'objectif et la finalité principale, c'est que tu mettes en pratique cette science. Et si tu la mets en pratique, alors ceci sera une cause pour te permettre de la préserver et de ne pas l'oublier. En effet, si aujourd'hui une personne apprend qu'il peut prononcer cette formule après s'être redressé de l'inclination de quatre manières, mais qui après dans sa prière ne le met pas en pratique, alors il est fort probable que d'ici quelques jours, il aura oublié ces différentes manières de prononcer cette formule de rappel. Tandis que celui qui s'efforce de le mettre en pratique, alors celui-ci, incha'Allah ta'ala, il n'oubliera pas cette science. Mais elle sera ancrée en lui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, parmi les bénéfices de prononcer cette formule de manière aléatoire, ou les autres formules qui sont légiférées aux différentes positions de la prière, il y a le fait que cela te permettra de prier d'un cœur présent et d'être concentré dans ta prière. Car celui qui répète sans cesse les mêmes paroles, sans varier entre les différentes formules légiférées, alors celui-ci, il est très probable qu'il prie de manière mécanique, sans se concentrer sur ses propos, sans réfléchir à ce qu'il dit. Alors que celui qui va se concentrer et essayer de varier entre ces différentes formules, alors celui-ci, bi'inillahi ta'ala, il va être concentré. Il va se redresser de l'inclination, il va réfléchir Laquelle des formules légiférées vais-je prononcer? Puis il va prononcer une de ces quatre formules. Alors ceci va l'aider à prier d'un cœur présent et à être concentré dans sa prière, bi'idhnillahi ta'ala. Également, il est permis de rajouter à cette formule quelques mots en disant Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alay, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Et toutes ces formules, elles sont mentionnées de manière détaillée dans le livre de l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ensuite, l'auteur a dit, dire, Subhana Rabbi al-Azim, pureté à mon Seigneur l'immense, durant l'inclination. Donc, lorsque tu t'inclines, il est légiféré de prononcer cette parole, Subhana Rabbi al-Azim, car ceci est rapporté authentiquement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rapporté de plusieurs de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son inclination Subhana Rabbi al-Azim à trois reprises. On dira donc que l'obligation est de prononcer cette parole une seule fois. C'est cela qui est obligatoire dans ta prière. Le minimum de la perfection est que tu la prononces trois fois. Et ce qui est préférable et plus méritoire est que tu la prononces une dizaine de fois. Et plus tu te tiendras debout longtemps en prière, lors de la récitation, plus tu prolongeras tes inclinations et tes prosternations en multipliant la prononciation des formules légiférées dans les différentes positions de ta prière. C'est-à-dire que si tu es resté longuement en station debout à réciter le Coran, alors il est légiféré pour toi de prolonger ton inclination. Et pour ce faire, tu vas répéter cette parole. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, et ainsi de suite. Et également, il t'est permis de rajouter à cette formule, Wabihamdihi, en disant Subhana Rabbi al-Azim, Wabihamdihi. Et d'autres formules qui sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui peuvent être prononcées durant l'inclination, comme Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdik, Allahumma ghfirli. Ceci également fait partie des formules légiférées lors de l'inclination. Ensuite, il dit, rahimahullah, dire Subhana Rabbi al-A'la, pureté à mon Seigneur le Très-Haut, durant la prosternation. Comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière que pour l'inclination, il est rapporté de plusieurs de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'il prononçait cette formule à trois reprises lors de la prosternation. Donc on dira la même chose que pour l'inclination. L'obligation est de prononcer cette formule une fois. Le minimum de la perfection est que tu le dises trois fois. Et le mieux et ce qu'il y a de plus méritoire est que tu le dises une dizaine de fois. Et comme on a dit, tu prolongeras ta prosternation si tu as prolongé ton inclination, proportionnellement au temps où tu es resté debout en prière à réciter le Coran. Et il est aussi permis de rajouter à cette formule wabihamdihi, comme pour l'inclination, en disant Subhana Rabbi al-A'la wabihamdihi. Pureté à mon Seigneur le Très-Haut et louange à lui. Ceci fait partie des formules rapportées authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a d'autres. Une fois que tu as prononcé cette formule obligatoire, alors lors de la prosternation, il est recommandé pour toi de multiplier les invocations. Car comme on l'a vu dans le hadith rapporté par Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors étant donné cette proximité que tu as avec ton Seigneur lors de la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il t'a ordonné? Il a dit « Fa'akthiru du'a » alors multipliez les invocations. Et ce car tu es plus à même d'être exaucé alors que tu es dans cette position, humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as posé tes sept membres au sol pour te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, il te convient alors de multiplier les demandes que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'attire votre attention sur le fait que bien que l'obligation ne soit de prononcer le tasbih, Subhana Rabbi al-Azim ou Subhana Rabbi al-A'la, respectivement durant l'inclination et la prosternation, ceci ne veut pas dire que la personne doit prendre l'habitude de ne le prononcer qu'une fois en prière. Mais si tu apprends ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, ceci te permet de distinguer entre les choses qui sont indispensables dans ta prière et que tu ne dois surtout pas négliger, au risque d'invalider ta prière, et les choses qui sont recommandées et qui te permettent de perfectionner ta prière et d'en augmenter la récompense que tu vas en tirer, inshallah ta'ala. Et le musulman, De manière générale, il se doit de toujours chercher à augmenter le nombre de ses bonnes actions, en perfectionnant sa prière, en améliorant ses œuvres. Et il ne doit pas se contenter du strict minimum. Car il y a certaines personnes, à partir du moment où il apprend qu'il n'y a qu'un seul tasbih qui est obligatoire, alors il va se contenter de cela. Lorsqu'il prie seul, il va s'incliner, Subhana Rabbi al-Azim, et il va directement se relever. Et ceci est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien que la prière soit valide, comme vous l'avez entendu, il est rapporté de nombre de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui le prononçaient 3 fois en prière. Donc la sunna est que tu le prononces au moins 3 reprises, et ceci est le minimum de la perfection. D'autant plus que si tu ne prononces cette parole qu'une seule fois, alors il est à craindre que tu ne perfectionnes pas ton inclination et ta prosternation. C'est-à-dire que la personne va s'incliner, prononcer cette parole peut-être avant même de s'être immobilisée en inclination. Alors elle risque de manquer à la quiétude qui, comme on l'a vu hier, est un pilier important de la prière et qui ne doit en aucun cas être négligé. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit « Dire « Rabbi khfirli »« Mon Seigneur, pardonne-moi » entre les 2 prosternations. Et ce, d'après le hadith rapporté par les imams An-Nasa'i et Ibn Majah, rahimahumallah ta'ala, d'après Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait entre les 2 prosternations « Rabbi khfirli »« Mon Seigneur, pardonne-moi ». Et l'obligation, comme pour le tasbih, et de le prononcer au moins une fois. Si tu prononces cette parole une fois, alors ta prière est valide, inshallah ta'ala, à condition de t'être maintenu un instant, assis, entre les 2 prosternations. Et le mieux est de la répéter à plusieurs reprises. Ou alors, de dire d'autres formules qui sont rapportées, qui sont plus complètes, comme ce que nous rapporte l'imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait entre les 2 prosternations, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, accorde-moi le salut, guide-moi et accorde-moi ma subsistance. Et toutes ces invocations que l'on a mentionnées concernant les différentes positions de prière, elles sont mentionnées en détail dans le livre de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez donc y revenir pour les retrouver, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit le premier tashahhud. On a vu hier que le dernier tashahhud est un pilier de la prière. Et il y a certaines prières qui comprennent 2 tashahhud, comme les prières à 3 ou à 4 unités, le dhor, l'asr, le maghrib et l'isha. Donc dans ces prières, il n'y aura que le dernier qui est un pilier de la prière. Quant au premier tashahhud, alors celui-ci est une obligation. Qu'on a dit que la différence entre l'obligation et le pilier, c'est que l'obligation, elle peut être compensée par les prosternations de distraction. Et c'est ainsi que l'on apprend que le premier tashahhud est une obligation et n'est pas un pilier. En effet, une fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait, il s'est levé à la 3e unité et a oublié le premier tashahhud. Une fois arrivé au dernier tashahhud, avant de faire les salutations, il s'est prosterné à 2 reprises, puis a salué. Les gens de science ont mentionné que ceci est la preuve que le premier tashahhud est une obligation et n'est pas un pilier. Car si c'était un pilier, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait assis une fois que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum l'aient averti afin d'accomplir le premier tashahhud. Or il a continué sa prière. Car une fois que tu es debout, une fois que tu t'es levé à la 3e unité, il ne t'est pas permis de te rasseoir. Car tu es passé au pilier suivant de la prière, qui est la station debout. Il ne t'est donc pas permis de te rasseoir pour le premier tashahhud. Mais tu continues ta prière et tu compenseras cet oubli par les 2 prosternations de distraction que tu accompliras avant les salutations finales. Et la preuve concernant ce tashahhud est le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le tashahhud à la fin de chaque 2 unités. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith rapporté par An-Nasa'i et Ahmad rahimahum Allah ta'ala, lorsque vous vous asseyez après 2 unités, alors dites At-tahiyyatu lillah jusqu'à la fin du tashahhud. Enfin, il a dit rahimahullah ta'ala, la 8e obligation est de s'asseoir pour celui-ci, c'est-à-dire s'asseoir pour prononcer le premier tashahhud. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela à celui qui avait mal fait sa prière. Et il lui a dit, lorsque tu t'assieds au milieu de ta prière, alors marque un temps d'arrêt en position assise, immobilise-toi dans cette station, puis prononce le tashahhud. On a donc terminé avec ce qui concerne les obligations de la prière et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, plus de détails concernant le tashahhud ainsi que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.